toi qui me condamne à être différente. Et pour croire en toi, je me dois parfois de perdre le combat. J'attends des rivières de roses, des torrents de pluie, des milliers de choses qui manquent à ma parfum de pluie.